Mets le tab sur le côté le plus haut. Moi j'ai dit autre chose. Famille Là, tu fais la même erreur qu'en haut. Hein? Tu fais la même erreur qu'en haut. Ça oui, Bato Ahmed. Non. J'ai écrit l'adresse sur le côté gauche. الاسئله من النص هل ذهب سليم الى المكتب الهاتفي او المكتب البريد عندك ذهب الى المكتب البريد نعم ثانيا لماذا ذهب سليم الى المكتب البريد لأنه يريد أن يرسل رسالة مسجلة. نعم. ثالثا هل رسالة سليم بالبريد العادي أو بالبريد المسجل؟ بالبريد المسجل. نعم. رابعا كم ريالا دفع سليم قيمة للتسجيل؟ دفع ريالا. نعم صح ما ذكر كم بكم اشترى سليم التوابع اشتراها التوابع اشتراها لا في يلا هاي عقيل صار فيها مفرد مؤنث اشتراها اشتراها بخمسة ريال. نعم. صدق. طيب الآن ندخل في الدرس 13. خلينا نصوم. ما زلنا في الوحدة الرابعة. بركة خيرتي. بعنوان في مكتب البرقيات. Dans le bureau des télégrammes. Kalimat jadida. Bayanat. C'est le gène de Bayana. Et là, ce qu'il veut dire par là, c'est il demande des informations. C'est quand tu remplis un formulaire, on pose des questions, ton nom, ton adresse, ainsi de suite. Et c'est ça qu'il veut dire par là. Mais des fois, Bayana, ça a des preuves, ça peut être d'autres choses. Là dans le texte, ça veut dire quoi? Des informations. Kamila, là, ça veut dire entièrement. Complètement, entièrement. La salaine Charles Yakoul, Hafistul Quran Kamilatan. J'ai honoré le Coran complètement, entièrement. Mektabul Turud. Mektab, c'est Marlouf. Et Turud, c'est le djem de Tord, qui veut dire paquet, colis. Ici, là. Djem de Tord, qui veut dire colis. Mustarjilun, ça veut dire pressé. Et là dans le texte, ça veut dire urgent. Donc, un homme moustardjiloun, je suis pressé. Et en dessous, moustardjilatoun, c'est le féminin. Atem marbouta. Beida ou, c'est le moineuf de abiad, qui veut dire manche. Et lequel est féminin? Beida. Ben, il doit être féminin. Il y a bien du masculin. Maktab al-Barqiyat, c'est l'agence de Telegram. Tardoud, on l'a dit, Oro, qui est un colis. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le désordre comme ça. Avec le pluriel là, le singulier vient longtemps après, ou quoi. Yassar, c'est la gauche. Comme Aïssar. C'est une des personnes qui est à la gauche. Genre que Aïssar, il vient lorsque tu le mets après Djanib. Tu dis Djanib et Aïssar. Et le Yassar, c'est quand tu dis directement. Et Yousra. Yousra, c'est le féminin. De Aïssar ou de l'autre? De Yassar. Yassar? Non. Ou Aïssar, attends, je ne sais plus. En tout cas, c'est un peu mieux. Aïssar, c'est une avec quand il est. Apparemment, quand il est Nart. Nart, ou ouais. Un truc comme ça. Non. Là, plutôt quand il est Nart. Et Yusra, l'acrobe, apparemment, ce qui serait plutôt féminin de Aïssar. Amam, Ma'louf, devant. Khalf, Al-Al-Aks. Contraire de Amam. Fouk, au-dessus. Taht, l'axe, en dessous. Falen ma'ana Ibrahimu wa al-muwazzaf al-awwal. Wa al-lazi yakra Ibrahimu yani athani yakra al-muwazzaf al-awwal wa athani. Tamam. Tfaddala. Man yura anta Ibrahim. أيكم سمعت يا إبراهيم فاهم رأي تفضل من فضلك s'il vous plaît louez la poste ou le bureau et Telegram. أمام مكتب مكتبي تولد على اليسار. Non, mais il dit devant le bureau des colis, à gauche, sur la gauche. Ibrahim. Donc il dit, s'il vous plaît, je voudrais envoyer un télégramme au Caire. Kahira, à la base. Caire, c'est la traduction, mais en vrai, c'est Kahira. هل هي برقية عادية؟ برقية عادية. هل هي برقية عادية أم مستعجلة؟ مستعجلة. تن. ومن فترة من مستعجلة. Il dit est-ce que c'est un télégramme normal ou urgent؟ برقية عادية. Il dit un télégramme normal. موظف الأول خذ الوراقة خذ الوراقة وراقتان بيضاء والإملاء وإملاءان بيانتي كاملة ils ont mis une fatra sur le mime mais c'est كاملة une erreur d'impression. Donc il dit, prends la feuille blanche, khouz, c'est le envoi de akhadaya khouzo, ala waraka la feuille, al-bayda blanche, wa imla al-bayyanati kamilatan. Il remplit les informations complètement. En fait, toutes les informations, le formulaire. Donc il dit, tiens, enfin tafaddal, on a dit, ça dépend ce que tu veux dire. Là, je veux dire, tiens, on rentre la feuille, combien dois-je te payer? موظف ثاني 10 ريالات دي ريال ابراهيم شكرا مع السلامة دي ميرسي avec la paix السلام عليكم السلام موظف ثاني عفوا نعم عفوا سبيسيفيك هذا شي باب كوا Alors, je lui dirais, passe au salam. Très bien. يقول أولا استمع وردد. Donc écoute et répète. Là il va vous faire quoi? Vous faire utiliser les noms de direction. مكتب البرقية أمام مكتب الطرود. Donc le bureau de télégramme est devant le bureau des colis. Et Amama, il est Moudof. Donc Maktabi, il vient de Moudof, il est I. C'est pour ça qu'il prend le Kakhra. Il est aussi Moudof, une fois de plus, Maktab. Et Toulou de Moudof, il est I. Tu peux avoir plein de Moudof de filet, c'est pas un empêchement. Fanyen, Maktabul Toulou dit Khalfa Maktabil Balid. Le bureau des colis est derrière la poste. Mais en fait, je crois qu'ils veulent dire quoi? Parce que le tout, c'est la poste à la base. Genre le bureau des colis, d'ailleurs le bureau des lettres. Sûrement du courrier. Car le tout, le colis, c'est la poste aussi que tu les trouves. Thalithan, al-mal'abu yasar al-maktaba. Le terrain de jeu est à gauche de la bibliothèque ou librairie. Rabi'an, al-maktabatu yamina al-mal'ab. Donc la librairie, enfin, la bibliothèque, est à droite du terrain de jeu. Khamisan, al-kitabu fawqa araf. Le livre est au-dessus de l'étagère. Araf, raf, étagère. Al-jam c'est rufouf. As-sohifatu tahta al-kitabi. Le magazine est sous le livre. Sabian, al-kitabu fawqa as-sahifa. Le livre est au-dessus du magazine ou du journal. طيب ثانيا يقول يعمل وتحدث. يعني يجي يدسكوت je pense qu'il va lire. تحدث يكون parler. نعم. تحدث هو في الماضي. تحدث نعم. Donc il dit quoi? Dor El Kalem Fonk El Durj. Pose le stylo au-dessus du casier. En dessous dit quoi? El Kalem Fonk El Durj. Le stylo est au-dessus du casier. Donc enlevez le verbe da qui est un impératif de wada et vous mettez le premier mot comme mutada avec une dhamma. C'est tout. La salle. طيب الجمل الاولى عندك جي با كومبري سي دو juste enlève le verbe impératif comme dans l'exemple et tu mets le dhamma au premier mot. تفضل ابو احمد. ضع الكتاب تحت المقعد. الكتاب تحت المقعد ما معنى هذا؟ le livre est sous le siège. نعم. ضع الطرد فوق الرف فوق الرف كسر فوق الرف الطرد فوق الرف فوق يرسمك الفتحة فوق الرف. ما معنى هذا؟ Le colis est au-dessus de l'étagère. Non. Falifan. Dans le coursi, il y a le coursi est au khalf al-bab. La chaise est derrière la porte. Non. Dans le tafara, un amal moudar. أمام المدارس الدفتر أمام المدارس. نعم. الكيان devant le professeur. نعم. اجلس. اجلس يسار عمر. يسار عمر. عمر. يسار عمر. كيف تقول الآن؟ نكرم فت شو هذا؟ آه نعم. أبقي كلهم هذا خمسة. تيجي جوش دو عمر. اجلس يمين أحمد. أنت تجلس؟ لا لا. طلب بيا. أنت يمين أحمد. نعم. Donc ce qui apparaît c'est parmi les différences entre Yassar ou Aïssar. Oh. Aïssar, il vient quand il est en Naat. Ou Yassar quand il est en Moudaf. Allah Alam. Apparemment, ça, c'est pas une différence entre eux. Yamin Ayman. Yamin Ayman. ثالثا أجيب كما في النموذج يقول املاء البيانات ثم اكتب تشانج املاء با اكتب البيانات لا إذا ومت 3 verb à l'impératif يا اقرأ يا افتح ويخذ. Essayez de mettre un verbe correspond avec les mots qui sont exposés. Addarsa, kif taqul? Oktoub addarsa. Là, là, il faut que tu interprètes les trois verbes qui sont. Khouz addars, ikra addarsa. Ikra addarsa. On a Ikra d'Darsa. Fanyen, Risala. Lequel des trois tu vas employer? Risala. Uktub la Risala. Il n'y a pas Uktub, c'est ou Ikra, ou Khouz, ou Iftah. Ikra et Risala. نعم تبقى تجري خون فيك لا خذ رسالة وافتح رسالة البرقية البرقية خذ البرقية نعم تبقى تجري وصي كرا افتح الصحيفة Ikra is sahih. Parce que c'est un verbe homme, il y a un tsukun. Donc la tête qui est sakinée, donc on met une kasra. Sabian, al waraka. Khudh al waraka. Non. Al kitab. Iftahi. افتح الكتاب نعم أو قول الكتاب نعم أو اقرأ الكتاب نعم بتخون في الزنبوية النافذة خذ النعال جلس النافذة افتح النافذة نعم تقرأ النافذة ها افتح الباب افتح الباب نعم افتح الباب خذ الباب كذلك يخرج كون دي خاصه prend la porte. طيب رابعا املاء الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمه المناسبه بما بين قوسين هنا نص دي حرف جار. طيب حرف جار. هنا من، هنا إلى، هنا بي، هنا لي، هنا في، هنا عن، هنا على. Faut le placer dans les phrases, dans les trous des phrases. La jumelle oula, Zahba Mahmoud, attaque trou, Al-Sakani, trou, Al-Madrasa. Donc là, il faut mettre les lettres qui correspondent. Fanyan, Wasala Ismailu, trou, Al-Hafilati. Thalisan, Sa'ala Ibrahimu, Al-Muwazzafa, trou, Maktabi, Al-Barqiyat. Rabi'an, وضع أحمد القلم تخو الحقيبة. خامسا جلس علي في المكتب مكتبة تخو يقرأ الصحف. سادسا كتب المدرس تخو السبورة. هذا في البيت. إن شاء الله والجمل سهلة. Tous les mots-là, ils sont connus. On a trouvé juste Ikra. Ah, Kassir. Bachar. Certains de l'ouf sont, sont courts, d'autres sont plus longs. Ils font partie des cours. Comme la semaine de hier, pareil, il était court. Naam. La kalimat jadida. Ashara yushiru. Qui veut dire indiquer. Et le masdar c'est ishara, comme ism ishara. Ashara yushiru. Ataliya, ce serait suivante. Par exemple, je mets Ataliya, les phrases suivantes. Ma salam. C'est quoi le masculin? Hein, Tali. Yunahi ou c'est annoncé, mais une bonne nouvelle. Hanna'a. Félicité, en fait. Yuhanni'u. C'est un ism. Non, c'est un fi'l. Et c'est. Isla'a, il a la même. C'est pas la même annonce. Là, c'est comme une sorte de félicitation ou. Juste comme ça, attends. Il va dire quoi dans le. Regarde à la fin, lui, qu'est-ce qu'il dit exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Abshara ou Bashara. Mais quand on dit Ashara Yushiru, c'est comme Dalla en fait, c'est indiquer le chemin, Dalla. Ça peut avoir le sens comme ça, non? Ashara. Ouais, c'est ça en fait, ça a annoncé une bonne nouvelle, genre. Yakul. Genre j'ai informé des étudiants et de la réussite de l'examen par exemple. Voilà. C'est annoncé une bonne nouvelle quoi, en fait. Et au passé on dit Hanna'u. Hanna'a. Hanna'a. Mais je vois Hanna'a tout. Non. Très bien. يقرأ يقول

Pourquoi c'est l'âme. Donc en fait, c'est une erreur, c'est taktoub, c'est une formation soukoun. C'est l'âme taktoub, soukoun, pas de dhamma. Donc tu n'as pas écrit le numéro de la boîte postale, écrit l'adresse complètement, entière. En fait. Complète. Bon, allez comme ça. Faniyan. Hanna'a Aliyun ibnahu di. Donc Ali a annoncé à son fils, et là vous mettez le mot qui manque. Falifan, al-muwazzafu ila shubbaki al-mujawar. L'employé. En mettant le mot qui convient, à la fenêtre, elle est mise à côté. Ah, cadre. On va dire que c'était court, Alhamdoulilah. Fi asila. Taïb, fana kifuna. Alhamdoulilah.